Section 32 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 32, Les amours de Gilles. Livre 4e, Isabelle par Louis Morin. Chapitre 5, Les tabaros, le bâton de Pulcinelle. Dans le canal. Elle parcourut les salles, les petits salons où l'on s'asseyait pour boire et pour manger des sorbets et des glaces. Elle examina tous les masques les uns après les autres sans reconnaître ce qu'elle cherchait. Sans doute Gilles et Florise n'étaient pas arrivés. Elle se promena pour les attendre. Au milieu de tout ce monde, son assurance s'en allait. Bientôt, elle remarqua les deux tabaros. C'étaient deux libertins qui avaient jugé du premier coup d'œil, aux incertitudes et aux hésitations de Paquette, que ce petit domino-là n'était jamais entré tout seul au Ridotto. Vivement intrigué, il se rapprochait de lui peu à peu et enfin se plaçait à ses côtés, l'accompagnant comme deux gardes du corps. « Ma belle demoiselle, » dit l'un d'eux tout bas, par respect pour le silence du lieu, « vous plaît-il d'accepter quelques rafraîchissements ?» Paquette ne répondit pas. Ma belle dame, dit l'autre, nous sommes précisément les gens que vous cherchez. Vous soupez avec nous à l'auberge de la Lune. Paquette voulut se dérober à leurs offres, mais il n'avait garde de la quitter. Il la serrait un peu maintenant et lui soufflait à l'oreille des choses qui la faisaient rougir sous son masque. Messieurs, je vous en prie, laissez-moi, si vous saviez. Mais il ne savait pas. Il ne sentait pas l'angoisse de sa prière. Une petite femme qui vient se promener toute seule au Ridotto, on sait bien ce que cela veut dire. Plus elle fuyait, plus il se sentait piqué au jeu. Enfin, elle descendit, obsédée, énervée, prête à fondre en larmes, et elle sortit dans la rue. C'était ce que voulaient les tabaros. Ils l'eurent bien vite rejointe. La rue était presque déserte. Seulement quelques promeneuses équivoques, dans la solitude, les deux galants s'enhardirent jusqu'à vouloir ôter le masque de Paquette, afin de voir son visage à la clarté d'une lanterne. Mais ils n'avaient point remarqué qu'à leur tour ils étaient suivis. Comme l'un d'eux enlevait le petit visage de toile cirée d'un geste rapide, un homme parut. « Comment, messieurs, vous faites violence à une femme? Bas les masques, je vous prie. Qu'on voit si vous avez des faces de chrétien. » L'auteur de cette apostrophe théâtrale n'était autre que Pulcinelle. Il avait le visage découvert. Paquette se jeta dans ses bras. « Oh, mon ami, défends-moi » « Comment ? C'est toi, Paquette ?» Mais il n'eut pas le loisir d'écouter sa réponse. Les tabaros, furieux de se voir enlever leur proie, avaient tiré des épées cachées sous leur manteau, pour mettre en déroute le malencontreux Pulcinelle et se débarrasser de lui. Celui-ci n'avait que sa canne, mais cette canne, faite d'une solide branche de buis, c'était le bâton de Pulcinelle, une arme terrible entre ses mains et avec laquelle il se fut défendu contre 20 bravis armés jusqu'aux dents. Une lutte s'engagea, au cours de laquelle les épées des persécuteurs de Paquette furent brisées comme verre. Désarmés, ils jugèrent prudent de prendre la fuite. Mais la bataille n'avait pas eu lieu sans quelque tapage. Pulcinelle avait coutume de combattre à la manière antique, en envoyant à la tête de ses adversaires un flot d'injures, sarcasmes et comparaisons désobligeantes, accompagnées de menaces horrifiques. Un homme accourut au bruit de la lutte et poussa une exclamation de surprise qui n'avait rien de simulé en apercevant Paquette à demi évanouie au bras de Pulcinelle. C'était Gilles. « Paquette, que fais-tu là? Qu'y a-t-il ? » « Gilles, j'étais venu te chercher. »« Comment me chercher? Comment savais-tu que je viendrais ici? Qu'est-ce que c'est que ce domino que tu portes? Ce n'est pas le tien. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Que faisais-tu là avec Pulcinelle ? » « Répondras-tu ? Et toi aussi, Pulcinelle, m'expliqueras-tu ? » Paquette resta sans mot dire suffoquée. « Comment? C'était lui qui accusait ? » Elle eut une explosion de colère qui arrêtait les paroles dans sa gorge. « Je le savais que tu viendrais, et avec une femme, ta maîtresse, je le savais !» Tu mens, tu mens. Tu ne sais rien, c'est toi qui es là avec ton amant. » Paquette défaillit entre les bras de Pulcinelle, secouée par une crise de nerfs. « Ah ça !» interrompit le vieux comédien. « Es-tu fou ? Il y a une minute que je suis avec ta femme, et du diable si je savais que ce fut elle. » « Mais que s'est-il passé ? Je n'en sais rien. J'ai vu deux hommes qui violentaient une femme. Je suis accouru. Je ne sais rien de plus. » « Comment ? » reprit Gilles en s'adressant à Paquette. « Tu étais là avec deux hommes ? » « Tais-toi ! » cria Pulcinelle, qui perdait aussi son sang-froid. « Tais-toi ! Vous vous expliquerez plus tard. Aide-moi pour le présent à amener ta femme. Elle ne peut pas rester comme cela. Tu vois bien qu'elle est évanouie. » Il reprit à voix basse. « Misérable, tu sais bien qu'elle est innocente et que c'est toi qui la trompes, la pauvre petite !» Gilles ne répondit pas. Ils s'acheminèrent vers la station des gondoles en soutenant Paquette. Elle était toujours évanouie. Quand elle fut installée sous le Fels, la barque se mit à glisser vers la Riva Carbone. Pulcinelle avait trempé son mouchoir dans le canal et il bassinait doucement les tempes de son ami. La fraîcheur de l'eau la fit revenir à elle comme on allait aborder. Alors, elle se leva et refusa l'aide qu'on lui offrait pour sortir de la barque. Il y avait une enjambée à faire pour mettre le pied sur le quai. Paquette monta sur l'avant de la barque et, résolument, se jeta dans l'eau noire du côté opposé au quai. Cela fut fait si soudainement que Pulcinelle ni Gilles ne purent s'y opposer. Fort heureusement, le gondolier tenait sa gaffe à la main. Plonger le bâton à l'endroit où la jeune femme venait de disparaître fut l'affaire d'un instant. Il accrocha les jupes flottantes et tira près de la gondole le corps que Gilles et Pulcinelle eurent bien vite fait de retirer. Paquette n'était point encore évanouie, mais seulement suffoquée par l'eau. Quand elle eut recouvré la respiration, elle soupira d'une voix douloureuse. « Oh, Gilles, il fallait me laisser mourir puisque tu aimes Florise et que tu crois que je ne t'aime plus. » Mais une révolution s'était faite dans l'âme du comédien. Un instant, il avait cru Paquette morte, morte par sa faute. Il la saisit dans ses bras, toute ruisselante, et l'emporta vers la maison. « Non, Paquette, non, » lui dit-il tout bas. « Je t'aime et je te crois. » Paquette fut déshabillée et couchée. Quand Pulcinelle se fut retirée, Gilles se mit à genoux devant le lit et cacha sa tête dans les draps. « Gilles, dit Paquette, il faut que je t'explique. Tantôt, j'avais vu Florise sur tes genoux et je savais que tu allais la rejoindre. Alors je n'ai plus su du tout ce que je faisais. J'ai voulu aller te chercher et puis il y a deux hommes qui se sont mis à me parler. Oh, je me sens bien mal. » Gilles prit sa main. Elle tremblait de fièvre. Ah, Paquette, pardonne-moi, j'étais fou, je ne te quitterai plus. Vrai ? Tu ne me quitteras plus ? Oh, je te pardonne alors, viens près de moi, donne-moi un baiser. Il avança la tête, les lèvres de Paquette étaient glacées et ses dents claquaient. Alors il eut peur. Qu'as-tu, Paquette ? Que sens-tu ? Oh, j'ai eu froid dans cette eau. Je serais morte tout de suite si vous ne m'aviez pas retirée. Mais j'aurais eu bien tort, puisque tu m'aimes encore un peu. » Fin de la section 32. Lue par sa mère Myriam, Savartès, le 30 octobre 2024.